sa figure. Cette femme sur le cul, la même pareille, t'ai-je vu? Que fait-elle en général? A-t-elle son lit avec les bêtes? Est-elle de la fête? Est-elle au bout? C'est une rivière sans retour. Il apparaît avec le jour. Que fait-elle en général? La nuit venue, est-elle amirale, virtuose dans l'ordre des choses? T'as vu sa figure? T'as vu sa figure?